parler dans ses clés. Il est dansé, c'est que teenage girl. Il dansé, c'est que teenage girl. Teenage girl, il met une mini dress. Sexy mon mari, à vous tout pour ça. Sexy mon mari, on m'entend beaucoup. Sexy mon mari, à vous tout faire ça. Sexy mon mari, on a fait mon bisbon. Sexy man, sexy man, sexy man, sexy man, sexy son mari, parler dans ses clés. Dans si c'est que teenage girl, il met le pédale au boucher. Sexy mon mari, à cause vous coupe ça. Sexy mon mari, on m'entend beaucoup. Sexy mon mari, à cause vous faire ça. Sexy mon mari, où est son pitain? Sexy man, à cause vous pitain. Sexy man, à cause vous faire ça. Sexy man, à cause vous pitain. Sexy man, sexy man, sexy man, sexy man. il est dans cette nuit, il est dans si c'est que teenage girl. Il est dans cette teenage girl, teenage girl, il met une miniskirt. Et où la femme? Où va qu'on est pour dire ça, il a vendu famille. Ou avec lui, il comme si on veut gagner la police. Eu.